Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fred, c'est Dr Lisco, c'est l'heure de votre émission du samedi. Alors ça se passe bien, on va faire en sorte de débuter la soirée agréablement. La découverte va, je pense, y contribuer. Aujourd'hui, un groupe 100% féminin, j'ai nommé The Emotion. Leur titre, Best of My Love, est sorti en 77. Composé par un des membres de Earth, Wind & Fire, la chanson sera récompensée par un Grammy Award et un American Music Award et obtiendra un disque de platine aux USA. Elle sera classée dans les top 10 de beaucoup de pays. On va se faire une idée tout de suite. Le moment est venu de vous présenter Cool and the Gang dans la double dose. Le groupe date de 1964 et est toujours actif aujourd'hui, même s'il est moins productif. Le nom du groupe est une référence au bassiste du groupe, Cool Bell, et The Gang qui provient d'une confusion née d'un soir de 1969 dans un club, où le programmateur les présente comme tels. Le nom est dès lors définitivement adopté. Leur premier succès, il arrive en 1973 avec Jungle Boogie et Funky Stuff. En 1978, James G.T. Taylor rejoint le groupe en tant que chanteur et les tubes vont s'enchaîner comme Ladies Night, Too Hot, Celebration et surtout Fresh. Celebration sera vendu à 2 millions d'exemplaires et servira d'hymne de bienvenue aux USA pour les retours d'otages. Leur dernier gros succès commercial date de 1986 avec Stone Love. On l'a déjà écouté, il me semble. En 1987, James Taylor quitte le groupe et se lance dans une carrière solo. Les années suivantes seront moins glorieuses et on va dire... Mais le groupe y tombe toujours. C'est d'ailleurs l'un des plus anciens en termes de longévité. Ils ont tout de même sorti 25 albums studio, sans compter les lives, pour un total de 70 millions de ventes. Ils ont joué devant 260 000 personnes lors d'un concert à Cuba. Cool and the Gang a été honoré d'un Pioneer Award, 2 Grammy Awards, 7 American Music Awards. Ça l'a fait de lui un des groupes les plus récompensés de tous les temps. Ah, pour la petite anecdote, il possède même une rue à leur nom aux USA. Passons maintenant à mon choix. Bien sûr, Fresh, l'un de mes morceaux favoris, je pouvais pas passer à côté. Et je vais vous proposer Ladies Night pour bien commencer la soirée. C'est parti! Can be. Disco et Mr. Funk sur Fadjet. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'en entendre du Cool and the Gang dans cette émission. Ça fait quand même du bien, c'est un super super groupe. Alors le maxi du jour, Honneur aux Dames. Je vous ai choisi Cheryl Lynn et son tube Got to be Real, sorti en 1978. Le titre atteindra la première place du hit US et sera disque de platine aux États-Unis, rien que ça. Il sert aussi d'accompagnement pour une publicité pour Marks & Spencer en 2010 en Angleterre. Prêt pour l'écoute ? To be real. What to find? Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Pour l'instant français, du réchauffé mais qui va bien vous faire bouger. Ottawa, on en a déjà parlé, mais je tiens à vous présenter un titre que j'affectionne aussi, c'est D.I.S.C.O. Ah là, pour le coup, on en plein dans le thème. Sorti en 1979, en version anglaise et française, pardon, il sera classé numéro 1 aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il sera certifié disque d'or en France et au Royaume-Uni. Le tube sera repris par divers groupes, mais qui n'atteindront jamais le succès original, bien sûr. Vous êtes toujours disco ? La pépite, c'est le moment que vous attendez tous. On va écouter Dance Little Sister de Terence Trent D'Arby, sorti en 1987. Extrait du premier album du chanteur Introducing the Hardline Accordions to TTDA, le morceau sera régulièrement classé dans les top 10 européens. Bien sûr, il ne connaîtra pas le même succès que Wishing Well, que l'on a déjà écouté. Ah oui, je sais que l'artiste a déjà changé de nom, mais comme je vous l'ai déjà dit, moi, je l'ai connu sous ce nom-là, donc je persiste à l'appeler Terence Trent D'Arby. C'est parti. Get up on your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Fadjet, d'hier à aujourd'hui, tous les hits que vous aimez. On va se quitter sur ces bonnes paroles. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche et à samedi prochain pour des nouvelles aventures disco. Bye bye.